Tout de suite, il vit dans la tanière un des plus grands seigneurs couronnés de crinière qu'on pût voir. Et c'était la bête, elle pensait. Et son regard était profond, car nul ne sait si les monstres des bois n'en sont pas les pontifes. Et ce lion était un maître aux larges griffes, sinistre, point facile à décontenancer. Le héros approcha, mais sans trop avancer. Son pas était sonore, et sa plume était rouge. Il ne fit remuer rien dans l'auguste bouge. La bête était plongée en ses réflexions. Thésée, entrant au gouffre où sont les Ixions et les Sisyphes nus et les flots de l'Averne, vit à peu près la même implacable caverne. Le paladin, à qui le devoir disait « Va, tire à l'épée !» Alors, le lion souleva sa tête doucement, d'une façon terrible, et le chevalier dit « Salut, bête terrible, tu caches dans les trous de ton antre un enfant. J'ai beau fouiller des yeux, ton repère étouffant, je ne l'aperçois pas. Or, je viens le reprendre. Nous serons bons amis, si tu veux me le rendre. Sinon, je suis lion aussi, moi, tu mourras. Et le père étreindra son enfant dans ses bras, pendant qu'ici, ton sang fumera, tiède encore. Et c'est ce que verra demain la blonde aurore. » Et le lion pensif lui dit, « Je ne crois pas.